là tranquille, sans me soucier de toi. De toi, toi, toi, ou toi, ou toi, ou toi, ou toi. Moi j'étais là tranquille, sans me soucier de toi. Oh, des peurs imbéciles à chaque doigt. Moi j'étais là tranquille, sans me soucier de toi. De toi, de toi, de toi, ou toi, ou toi, ou toi. Je faisais comme il dit, comme il faut agir dans ces cas. Surtout pas de vagues, se laisser aller, se laisser faire, absorber, se laisser aller, se laisser faire, se laisser manipuler. Un pion ou un dé qui est dans l'anéantissement de l'être et de la courbe de l'univers. Attendre le firmament, savoir qu'aux quatre coins, ce n'est toujours pas la fin éternelle. Aussi bien qu'éphémère sur le bonheur, sûr que le bonheur et les souffrances sont éternels, éphémères. Moi je n'avais rien demandé de naître, aussi bien que de crever. Le corps que l'on m'a donné, le corps que l'on m'a donné, à l'intérieur, qu'un jour j'en sortirai, bien souvent désemparé, même plus souvent délaissé, je ne suis rien qu'une petite pièce qui cumulée aux autres remplit son rôle. Joe, one man is sicker, a rocker man a fitter, a red man. mind, so we return back.